soir je ne dors pas. Dans le salon je m'apitoie. Et sur mon sort et mes angoisses, et sur mes peines et mes délires, comme tous les soirs tu dors au loin. Mais je sais que tu reviendras pour me chercher, me prendre la main, faire de la nuit un paradis. Alors baisse un peu le ton, baisse un peu le ton, n'en fais pas des tonnes. Tu as créé à ta façon, et à ta façon, cette vie que tu dis monotone. J'ai bien cherché à mettre en œuvre les utopies dont tu rêvais. Tu as brisé chaque commencement, l'a reproché le lendemain. Les châteaux forts que j'ai construits, tu en as fait des confettis. Même pas la chance de voir fini tout le travail que j'ai fourni. Alors baisse un peu le ton, baisse un peu le ton, n'en fais pas des tonnes. Tu as créé à ta façon, et à ta façon, c'est ce que tu dis monotone. Si je devais mourir demain, tu pleurerais à nos amis. Tout cet amour qui est pour moi, et tout le manque de mon absence. Alors pourquoi dire au chaland que ton couplet est à l'agonie? Tu as voulu tant que je parte, et tant de fois tu m'as suivi. Alors baisse un peu le ton, baisse un peu le ton, et n'en fais pas des tonnes. Tu as créé à ta façon, et à ta façon, cette vie que tu dis monotone. Baisse un peu le ton, baisse un peu le ton. Baisse un peu le ton, baisse un peu le ton. Baisse un peu le ton, baisse un peu. Baisse un peu le ton, baisse un peu.